le futur Mirabeau, épanchait ainsi sa bile largement. Enfin, il prit son verre, se leva, et, le poing sur la hanche, l'œil allumé. « Je bois à la destruction complète de l'ordre actuel, c'est-à-dire de tout ce qu'on nomme privilège, monopole, direction, hiérarchie, autorité, état. » Et d'une voix plus haute, « que je voudrais briser comme ceci. » En lançant sur la table le beau verre à pâte qui se fracassa en 1000 morceaux. Tous applaudirent, et Dussardier principalement. Le spectacle des injustices lui faisait bondir le cœur. Il s'inquiétait de Barbès. Il était de ceux qui se jettent sous les voitures pour porter secours aux chevaux tombés. Son érudition se bornait à deux ouvrages, l'un intitulé « Crime des rois », l'autre « Mystère du Vatican ». Il avait écouté l'avocat, bouche béante, avec délice. « Enfin, n'y tenant plus. Moi, ce que je reproche à Louis-Philippe, c'est d'abandonner les Polonais. »« Un moment, » dit Sonnet. « D'abord, la Pologne n'existe pas. C'est une invention de Lafayette. Les Polonais, règle générale, sont tous du faubourg Saint-Marceau. Les véritables s'étant noyés avec Poniatowski. » Bref, il ne donnait plus là-dedans. Il était revenu de tout ça. C'était, comme le serpent de mer, la révocation de l'édit de Nantes et, entre guillemets, cette vieille blague de la Saint-Barthélemy. Sénécal, sans défendre les Polonais, releva les derniers mots de l'homme de lettres. On avait calomnié les papes, qui, après tout, défendaient le peuple, et il appelait la Ligue, ouvrez les guillemets, l'aurore de la démocratie, un grand mouvement égalitaire contre l'individualisme des protestants, fermez les guillemets. Frédéric était un peu surpris par ces idées. Elles ennuyaient Sisy, probablement, car il mit la conversation sur les tableaux vivants du gymnase, qui attirait alors beaucoup de monde. Sénécal s'en affligea. De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire. Puis, on les voyait étaler un luxe insolent. Aussi, approuvaient-ils les étudiants bavarois qui avaient outragé Lola Montès. À l'instar de Rousseau, il faisait plus de cas de la femme d'un charbonnier que de la maîtresse d'un roi. « Vous blaguez les truffes !» répliqua majestueusement Rissonnet. Et il prit la défense de ces dames en faveur de Rosanette. Puis, comme il parlait de son bal et du costume d'Arnoux, « On prétend qu'il branle dans le manche !» dit Pellerin.